J'ai fait trois fois le tour du monde, il est temps j'ai fait mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est en fureur. J'ai fait trois fois le tour du monde, il est temps j'ai fait mon bonheur. J'ai fait trois fois le tour du monde. Mais quand on l'est une fois, on peut pendant 6 mois se moquer de la justice pour peu que je réussisse. Braverai dès aujourd'hui Gaspard et le bailli. Mais pour que je les brave, faut que je redevienne esclave. Cocher miséricorde, ça me coûte beaucoup, mais ça vaut mieux que l'accord. Thank you. domestiques, les meilleurs, les plus adroits, et les plus économiques, les plus soumis à la foi. Ne lisant jamais les lettres, nous sommes en vérité plein de reste pour les maîtres qui font notre volonté. Ne lisant jamais les lettres, nous sommes en vérité plein de reste pour les maîtres qui font notre volonté. Clic-clac en voiture, faites-faites cocher, clic-clac approcher, choisissez à l'aventure, voici messieurs les cochers. En dépit du temps qu'il fait par les chemins de traverse, jamais un œil nous ne verse. En dépit du temps qu'il fait par les chemins de traverse, jamais un œil nous ne verse, ne verse qu'au cabaret. J'avais perdu la tête et ma perruque, ma fiancée et toute dignité. Une fiancée encore, ça se retrouve, mais pour la dignité, je n'avais que celle-là. Il était temps de dérober ma nuque au quolibet d'une ville en gaieté. Par tout le monde apostrophé, j'entendais dire à la foule incivile, en me voyant ainsi coiffé, en me voyant ainsi coiffé. Oh, le coucou, c'est pas la peine de me souffler la chanson, je la sais encore, écoute plutôt. C'est un mari, c'est un mari, c'est un mari de Corneville. C'est un mari, c'est un mari de Corne, de Corne, de Corneville. Je n'osais plus retourner au bailliage, je n'osais plus me montrer nulle part. J'étais à bout de force et de courage quand vous m'avez rencontré par hasard. Et j'entendais tous les échos qui m'arrivaient de cette affreuse ville, me poursuivant avec ces mots, me poursuivant avec ces mots. Mais là, j'ai pas été bête, j'ai pris l'air de celui qui ne se sent pas visé et j'ai chanté avec eux. C'est un mari, c'est un mari, c'est un mari de Corneville. C'est un mari, c'est un mari de Corne, de Corne, de Corneville. Mes aïeux étaient restés, car dans cette place, et les bandits dont nous cherchons la trace n'ont pas osé s'approcher d'eux. Sous des armures à leur taille, que tous ces projets emportaient, aux croisades ils combattaient, plus grands encore dans la bataille. Et le glaive du Sarrasin, qui dans leur cœur suivait la trace, même au défaut de leur cuirasse, même au défaut de leur cuirasse, se brisait contre le cœur des reins. C'est la salle des ancêtres, que nous firmes à découvrir, que nous connaissons aux anciens maîtres, tous ces guerriers sont des aïeux. Ces aïeux, tous ces guerriers. Sublime, aujourd'hui la mort c'est l'éclair, et le plomb qui siffle dans l'air, au hasard frappe ses victimes. Mais au temps de ces fiers soldats, leurs troupes étaient accorées, et corps à corps dans les mêlées, et corps à corps dans les mêlées, ils mouraient bien à tôt. Ces guerriers c'est là qu'est la richesse, la seule idole de mon cœur. C'est là qu'est ma maîtresse, là que se trouve le vrai bonheur. Ah, qu'est-ce que je vois? Ah, qu'est-ce que je vois? Voilà, voilà le bonheur sur la terre, destin prospère. Je vais encore grossir mon rang avec les bio, l'envio des grands. Vladon, le magot de ce que Gaspard, si j'en pouvais avoir ma part. Là-dedans, que de beaux habits, de bons repas, de bons amis, avec esprit, etc. On a de tout quand on a de ça, on a de tout quand on a de ça. On a de tout quand on a de ça. Rien à personne ne donnera le bonheur que donne ce son-là. Rien à personne ne donnera le bonheur que donne ce son-là. Rien à personne ne donnera le bonheur que donne ce son-là. Et des femmes, il faudrait voir ça. Si je voulais être un pacha, j'aurais celle-ci, j'aurais celle-là, rien qu'en lui répétant cela, rien qu'en lui répétant cela, rien qu'en lui répétant cela. Rien à personne ne donnera le bonheur que donne ce son-là. Rien à personne ne donnera le bonheur que donne ce son-là. Rien à personne ne donnera le bonheur que donne ce son-là. Sonne, sonne, sonne, sonne, sonne donc. Digue, digue, digue, digue, digue donc. Sonne, sonne donc, joyeux carillon. Sonne, sonne, sonne, normande. Nous étions bien 500 gueux, tous les 500 d'une bande, et je voyais chacun d'eux comme à guise je commande, obéissant à ma voix, comme au roi de tous les rois. La déridera, déridera, non, non, la. Et les belles d'alentour qui se connaissent en homme nous préfèrent chaque jour aux plus riches gentilshommes. Chacune a pour amoureux deux ou trois des seins gueux, tour lourd là. La déridera, déridera, l'on, l'on, la. C'est merveilleux. Margotion tout à coup par les cheveux, je la saisis quand elle passe. Voyez mon embarras, je nage d'un seul bras quand Germaine m'enlace. Plus je fais le plongeon, plus elle se cramponne et moi dans son jupon, dans son jupon, voilà que je m'en jupone. Sans vouloir la lâcher, de rocher en rocher, je suis le flot qui me soulève, quand fort heureusement, mais très brutalement, le flot nous jette sur la grève. Alors, claqué, rinté, vite, vite, je la délasse. Auriez été bien heureux à ma place. Son sein se soulevait. Que dire davantage? Bref, Germaine d'Abbaye, la vie à mon courage. Non, je ne suis point fou. Je l'ai été, oui, mais je ne le suis plus. Quand les cloches m'ont surpris dans le château, ah oui, j'ai cru que ma pauvre tête... Oh, mais ça n'a pas duré. Et quand j'ai su que vous étiez de retour, monseigneur, j'ai cru revoir mon vieux maître, votre grand-père, qui en me quittant m'avait laissé ses pleins pouvoirs. Alors, en ce temps-là, j'étais un honnête homme. Oh, il le savait bien, lui allait le grand-père. Et pendant 10 ans, je n'ai entassé tout cet or que pour vous le rendre, monseigneur. Mais que voulez-vous, le temps marchait, vous ne reveniez point. L'or s'amoncelait. Si bien qu'un jour, oui, j'ai eu comme un vertige. Et j'ai osé me dire, mais cet or-là, il est à moi, puisqu'il n'est plus à personne. Et pendant 10 ans, je n'ai point eu d'autre amour, d'autre maître, d'autre dieu que cet or-là. Ah, mais c'est bien fini, allez, aujourd'hui. Et voilà pourquoi je vous ai tout avoué, monseigneur. Et en vous rendant la fortune, c'est le bonheur que je vous donne. Oui, le bonheur. Germaine est digne de vous, monseigneur. Pardonnez-moi tous les deux. Pour ce trésor que tu nous abandonnes, te pardonner, je donnerai sans foi la fortune que tu me dois pour le trésor que tu me donnes. À personne, concert Paulet. Reste avec moi, ne me quitte jamais. Comme servante, comme amie. Tiens, si j'étais de la compagnie. Par les cloches, sans frayeur, je les entends avec bonheur. À ce fantastique domaine, hélas, depuis longtemps déjà, il manquait une châtelaine. La châtelaine, la voilà. Vive la châtelaine, et vive monseigneur. Tu n'as plus rien, mais tes gentilles, je t'offre ma main et mon cœur.